soudain encore les rêves à la dérive. C'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisirs sont retenus. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et l'accord se dessine, le remplit sans remords. Souvenir d'avenir, éclairé de soleil, do, ré, mi plus encore, pas besoin de sommeil. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plusieurs sont retenus. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, les yeux sont retenus. Il s'écroule à l'aurore, le front pêlé de larmes, et son corps le déborde. C'est la fin, il désarme, il a fermé les yeux. Les claviers se sont tus, une note ou bien deux, la libitum.